Deuxième séquence enregistrée sur les grands boulevards. GB2. Trois fragments sonores d'entrée et de sortie d'immeuble. Premier fragment, entrée puis sortie de l'immeuble situé au bord de l'intersection de deux boulevards.